Saint Augustin raconte que pendant son séjour à Milan, il y avait un jeune homme qui était poursuivi par un autre, qui lui répétait une dette déjà acquittée par son défunt père, mais dont la quittance ne se trouvait pas. L'âme du père apparut à son fils, et lui enseigna où était la quittance, qui lui donnait tant d'inquiétude. Macaire, Macarius, était moine ermite du désert de Sété, surnommé le jeune vieillard à cause de sa maturité. L'abstinence des moines du désert, ou saints solitaires, était grande, et Macaire les surpassait. Un mort ressuscita, afin de témoigner de l'innocence d'un homme, accusé d'avoir tué quelqu'un. Le mort le disculpa, sans désigner le meurtrier. Le même Macaire fit parler un autre mort enterré depuis quelque temps, pour découvrir un dépôt caché à l'insu de sa femme. Le mort déclara où était enfoui l'argent. Une fois que Macaire d'Égypte marchait, il vit un crâne sur le sol et lui demanda : « Qui es-tu ? » « J'ai été un grand prêtre des idolâtres, » répondit le crâne. Lorsque vous abat, Père, priez pour ceux qui vivent en enfer, nous recevons des atténuations. Quels sont tes tourments ? Demanda le moine ermite. Nous sommes assis dans un grand feu, et nous ne pouvons pas nous voir. Mais quand vous priez, nous commençons à nous voir un peu, ce qui nous réconforte, dit le crâne. Après avoir entendu cela, l'ermite se mit à pleurer, et demanda. Y a-t-il d'autres tourments aussi pénibles ? En dessous de nous sont ceux qui connaissaient le nom de Dieu, mais qui l'ont repoussé, et n'ont pas gardé ses ordres. Ils endurent des tourments plus pénibles encore, répondit le crâne. Macaire ressuscita un mort, pour convaincre un hiérasite, qui niait la résurrection des morts, et qui, par ses raisonnements, cherchait à séduire les ermites. Macaire lui dit. Qu'a-t-il besoin de tant de discours inutiles ? Allons au tombeau des morts, et que celui de nous deux qui en pourra ressusciter un, soit reconnu de tous, pour défendre la vraie foi touchant la résurrection. On alla au sépulcre des frères. L'hiérasite se défendit de tenter un si grand miracle, et dit que puisque Macaire l'avait proposé, c'était à lui de commencer. Macaire se prosterna pour la prière, et appela le nom d'un solitaire mort depuis quelque temps. Comme le défunt solitaire lui répondit, on ouvrit le tombeau, on le délia. Il paraissait vivant, et rendit témoignage à la vérité. L'hiérasite s'enfuit et les frères le chassèrent du désert. Cassien raconte la chose autrement. Il dit que l'hérétique était un eunomien, que Macaire était venu trouver, à la demande des chrétiens, et lui proposa de ressusciter un mort. Mais cet hérétique fit remettre la chose au lendemain, et s'enfuit dans la nuit. Macaire étant venu avec tout le peuple, en un lieu où les Égyptiens mettaient autrefois leurs morts, sans les enterrer, et il demanda à l'un d'eux. « Si l'eunomien était venu, te serais-tu levé à ma voix pour le confondre ?» Le mort se leva et fit signe qu'il aurait obéi. Macaire lui demanda en quel temps il avait vécu. Il répondit qu'il avait vécu sous les anciens rois, et que le nom de Jésus-Christ lui était inconnu. Dormez donc en paix jusqu'à ce que Jésus-Christ vous ressuscite en votre rang à la fin des siècles, lui répondit Macaire. Rufin, prêtre d'Aquillé, contemporain de Macaire d'Égypte, et de Macaire d'Alexandrie. Dit que ce mort était un moine décédé depuis peu. Cassien, Ioanni Cassiano, dit que c'était un ancien Égyptien, d'avant la venue de Jésus-Christ. Il est donc probable que ce soit deux résurrections. Pour avoir vécu plusieurs années avec Macaire, Rufin a dû parler de la résurrection à laquelle il avait dû assister.